Le temps de pluviose s'est installé sur les hauteurs de la vallée. Vous avez, vous, les errants, Oscar, Eliphel et Han, vous avez quitté depuis un moment Librebourg. Ces champs bien ordonnés, les essarts gagnés sur les hauteurs qui endiguent la progression incessante, toujours renouvelée de la ténébreuse. Dans votre oreille résonne encore le chant des pâtres, des vachers qui appellent leur troupeau. Les chants de tous les outils qui résonnent dans les ateliers, qui martèlent gaiement et qui oblitèrent l'oubli des têtes industrieuses des gens de Librebourg, la veine verte irrigue pleinement la vallée. Pourtant, depuis quelque temps, depuis pluviose, les cœurs sont un peu plus lourds, moins prompts à l'ouvrage. Les gens sont venus à oublier. Ils perdent et cherchent le souvenir dans le flux. Les gros bouillons grossis de l'hiver, de la veine verte. Le roi a disparu. Oh, c'est pas un roi comme on l'entend en d'autres contrées. Dans votre communauté industrieuse, le roi est celui que l'on désigne à la fête du printemps, celui qui préside aux travaux des champs. Il est le roi dans les cœurs, le roi dans les paroles. C'est celui qui chante haut et fort au moment des fêtes, au moment des joies. On le désigne pour sa gaieté, pour sa bonne humeur, parce que l'on souhaite qu'elle irrigue les cœurs, qu'elle essaime un peu partout et que l'on en récolte les fruits. Et pourtant, celle semée lors des précédentes moissons, parce que aux moissons on a élu le roi Léon qui a disparu. Donc on l'a bien cherché, hein. Il est insouciant et c'est pourquoi on l'a désigné. On s'est dit qu'il s'était oublié, égaré au fin fond des bois, mais non, on ne l'a pas trouvé. Dans les hauteurs, on a questionné les vachers, les chevriers, sans succès. On ne l'a point trouvé. Chacun est à son petit métier, on y tient. Mais tous les corps de métier ont été interrogés. Nul n'a vu Léon reparaître depuis le début de la morte saison. Chacun habite son petit cottage, sa maisonnette ou sa belle maison, mais dont aucune d'entre elles on ne l'a vu reparaître. Les plus inquiets ont dit que certaines des créatures qui descendent au plus fort de l'hiver et qui, avides, emportent les plus faibles du cheptel, se seront attaquées à lui, égarées, oubliées dans quelques combes des hauteurs. La pensée, donc, que par une grande nuit, sans lune, on avait enlevé le roi de Libremour, le brave Léon. Tout le monde est un peu chagrin. Et à n'en pas douter, vous, les vagabonds, qui errez de place en place et qui quémandez plus souvent qu'à votre tour, plus souvent qu'à gagner votre croûte, qui quémandez votre manger, vous trouveriez belle table et probablement bon lit à retrouver Léon Légaré. Depuis 3 jours, vous vous êtes éloigné du cours même de la rivière et vous suivez une piste où des traces qui s'éloignent très distinctement des chemins rebattus, des sentes habituelles parcourues par les pâtres, les vachers. Au-delà des sentes vicinales qui courent dans toute la vallée, pas même celles, les traces vagues que suivent les colporteurs. Quelque chose de plus ténu. Raviné déjà par les fontes, les premières fontes qui sont intervenues au début de pluviose. Vous êtes là, à la frange du bois plus sombre et ténébreux. Dehors des traces même que vous suiviez, bien marquées, qui pourraient être celles des choses de l'ami Léon, et qui peu à peu se sont transmuées. Vous aviez d'abord un gros sabot bien reconnaissable, profondément enchâssé dans la terre, et que les ravines n'avaient pas totalement estompé, et qui s'est mué d'abord sur un pied. Le sabot a disparu et vous l'avez trouvé dans le fossé. Un gros sabot grossier, tel ceux que portent la plupart des bouseux de la vallée. Ce pourrait être celui de Léon. Et donc, vous avez suivi un sabot et une chose dans la terre, dans l'humus, puis vous avez trouvé le deuxième sabot, brisé. Vous avez poursuivi un peu votre route, et en cette fin de journée, alors que le froid commence à se faire un peu plus sentir et que malgré l'effort que vous fournissez à gravir les pentes de ténébreuses, alors que le froid et les manifestations lumineuses de ténébreuses se font sentir, vous avez discerné d'autres traces plus appuyées, des traces de pattes. Vous aviez distingué quelque chose de touffu, mais plein d'animaux passent. Le loup, le chien, le chevreuil. On trouve même quelques ours et quelques aurochs dans ces coins de la forêt. Mais là, c'est autre chose. Vous aviez vu beaucoup de traces de coulées de marcassins et de sangliers. Là, c'est un sanglier ou une truie d'une taille phénoménale. Les traces sont presque aussi grosses que celles que laissait auparavant le sabot. Tout aussi profondément enchâssé dans le sol, comme si le sanglier pesait de tout son poids pour effacer les traces des choses de votre ami Léon. Est-ce vraiment un sanglier ? En tout cas, ça en a toutes les caractéristiques. Ce sanglier a l'air sentient, alors. Peut-on se fier à ton talent de chasseur, Oscar ? Oscar ? Tu as un doute, Oscar ? Alors, les dés vont nous le dire. Non, tu n'as pas de doute ? Pas ? Donc, est-ce que toi, tu as des talents de chasseur, toi qui es équipé d'un piège à loup ? Oui. Donc, on peut te croire lorsque tu dis que c'est un sanglier. Mais tu es convaincu que ce sont bien les traces d'un sanglier. Eliphen n'avait pas l'air d'en douter, mais Ehan doutait que ce puisse être un sanglier. Non, je ne doutais pas que ce soit un sanglier. Je disais que c'était soit un sanglier, et qu'il était sentient, soit que c'en était pas. Mais je sous-entendais extrêmement fort que la chose qu'on suit est sentiente, quelle que soit son espèce. T'as besoin de précision sur sentient, Xavier ? Non. Ok. Désolé pour le commentaire méta, mais je pense que... Dans la mesure où le soleil décline et que vous êtes désormais au cœur du bois, ou du moins que vous êtes éloigné ostensiblement de tous les chemins que vous puissiez connaître, je suppose que vous avez pris en main votre arc. Moi, je me trimballe toujours avec mon arc, je l'ai précisé lors de ma rapide présentation. Ta lance, oui. Et toi, Eliphel ? Moi, je... J'ai mon pistolet, mais je ne vais pas le dégainer de sitôt. Je ne pense pas qu'on soit tant en danger, même si nous sommes sur les terres de la Ténébreuse. Moi, c'est danger ou pas, je dégaine. Maintenant, des grognements qui vous semblent proches. Loin de vous, en effet, vous apercevez dans une dépression un peu plus obscure une espèce de fondrière, un amas boueux, une dépression exempte de fougères, une espèce de verrue brune sur la pente, dans la combe même où vous vous trouvez. Vous apercevez un énorme sanglier qui grogne par intermittence et qui a tourné son groin vers vous. Étant donné que c'est bien Oscar qui nous a dit que ce serait probablement sanglier, je m'approche discrètement d'Oscar et je lui dis « Alors on a peut-être trouvé ton sanglier et il est peut-être pas sentient, j'avais peut-être tort. » Et ensuite je me réécarte un petit peu. Mais pourtant ce sanglier se redresse de toute sa hauteur Et sa hauteur est formidable. Il fait 3 Oscars au bas mot. Je dégaine silencieusement mon pistolet et puis je le cale tout en restant dans l'obscurité que ménage la forêt et le coucher de soleil. Donc je me positionne près d'un arbre et puis d'un œil avisé, j'essaye de. Je vise sans tirer pour autant, mais arme à la main, je vise la colonne vertébrale du mammifère. Il est debout, s'est tourné vers vous de 3/4. Tu peux viser son échine, le reste est par rapport à la branche d'arbre que tu as pu utiliser, te permet de viser sur la hauteur de l'animal, qui est de belle taille comme je l'ai dit, mais il se tourne vers toi, tu vois son poitrail fourni et ses mamelles pendantes. Ce n'est pas un sanglier, c'est une truie. Une truie immense avec des défenses de sanglier, un mélange entre la truie et le sanglier. La immense patte, des yeux jaunes, et grogne vers toi. Que fais-tu là, petit Oscar? Petit homme. Comment connaissez-vous mon nom? J'ai grand faim. Je connais donc le nom de tous les gamins de la vallée. Vous mangez des gamins? J'ai fait. Je tire et dans son échine. Tu tires donc dans son échine et vous entendez la détonation, l'odeur de poudre qui vient chatouiller vos narines. Vous aviez, à ce moment-là, un pistolet de pirate, ça fait plein de fumée. Donc on peut s'échapper là, si toi t'as peur. Dommage, c'est que t'as interrompu la description de papa qui avait l'air intéressante et qui pouvait justement donner ce détail à Xavier, je pense, non? L'odeur de fumée, de poudre noire se mêle à l'odeur rance que dégage la créature qui. Oui. Queen, en tressaillant. Lorsque la balle vient se ficher dans son échine et avance droit sur toi. Ça se remet, petit homme. C'est pas moi. C'est vrai, c'est lui. J'essaye de retirer une nouvelle fois. Et elle bondit vers toi. Je peux tenter une autre action en simultané? Oui. On est d'accord que mon arc est magique. Si fait, c'est ce que tu nous as dit. Je peux donc avoir une flèche non létale. Une flèche non létale. Et qu'est-ce que produit la flèche Juste un impact qui permettrait de le pousser. C'est juste le pousser de la trajectoire de la truie, en fait. Est-ce que la flèche... Juste lui tirer dessus, mais sans... Flèche de recul. Non, elle est censée baisser celle-là. Ton arc obéit à ta volonté, ce serait cela. Et les flèches exercent ton vouloir. Si on veut, je pense que c'est... Ce sont des flèches de parole. Alors quel est le mot? Pousser. Pousser. Tu vas nous dire comment donc, la poussée s'exerce. Donc je retiens ton résultat. J'ai tiré une deuxième fois, parce que j'ai fait 5. Ouais, mais en fait, comme c'est une action simultanée, mon action prévaut à la tienne, mais on garde ton résultat. D'accord. Ça te va? Je sais pas, hein, pour le... Dans tous les cas, moi, j'imagine que c'est costaud, non? Ah non. C'est malin? Oui, bon, moi ça m'arrange. Non, là c'est charmeur. Pourquoi charmeur? Oui, parce que c'est une c'est la magie. C'est oui, tu dois convaincre ton arc de faire l'action que j'ai donnée. Voilà. Ah, moi, c'était du costaud. Du coup, c'est pas malin ce que j'ai. Non, toi, c'est pas du tout. C'est moi, c'est malin, c'est savoir se servir du pistolet. Ouais. C'est bah, pas, dans tous les cas, à chaque fois, je fais des bonnes réussites. Oui, non, mais moi aussi, mais. C'était pour savoir. Donc là, en l'occurrence, j'imagine que ça le pousse. Et donc, tu te retrouves... Du coup, son tir vaut toujours ou pas? Ah oui, désolé, je vais continuer. Tu te trouves projeté dans les broussailles. Ton pistolet choit en même temps que toi dans les fougères. Que fait notre ami Oscar maintenant que tu as vu la truie, le sanglier, tu ne saurais dire, se détourner de toi? Je m'en vais en courant. Et tu vas dans quelle direction? Au bas de la pente, tu rebrousses chemin ou tu t'enfonces plus avant dans le bois vers l'endroit où vous pressentez que Léon se trouve? Je rebrousse chemin. Pardon? Je rebrousse chemin. Tu rebrousses chemin? Mais on n'a pas. Tu sais pas, on est un peu paumé, hein. Papa a précisé tout à l'heure que. Dans un râle, la créature. Et s'effondre non loin de toi, Eliphel, tandis que Oscar courageusement s'éloigne vers le bas de la pente. Je suis stratégique. Enlevez les mains. Petit homme. Avec les ongles épais qui ornent ses pattes, à l'arrache, extirpe la balle qui est toute recouverte de son sang, une sanie noirâtre qui ruisselle sur sa peau. Tu vois Eliphel, le sang noirâtre bouillir sur la blessure dont elle vient d'extirper la balle, formée de petites bulles blanches recouvertes maintenant par un duvet tout fin. Qui a fait disparaître l'entame que tu as ménagée à l'aide de ton pistolet. Anne, que fais-tu? Qu'est-ce qu'il fait lui? Est-ce que je le vois? Il est au sol. J'essaye de me carapater. Non, est-ce que je peux faire une double action? Est-ce que tu envisages de faire? Non. Je me tapis dans les fourrés en me déplaçant tant que je le peux, par exemple à l'aide des lierres qui peuvent avoir poussé, et en fait je à disparaître dans le fourré. C'est cela. Et en même temps, je voudrais... As-tu à ta disposition un sortilège qui te permette de parler aux voix? Justement, je voulais appeler un goupil pour distraire la créature qui me fait face. Et c'est du charmeur, j'imagine, j'appelle la bête. Tu appelles le goupil pour qu'il te vienne en aide et détourne le vorace, la truie, la vorace mère truie. Je pousse l'appel du goupil fond dans les fougères. Tu vois ton ami disparaître et Anne. La créature se tient maintenant sur ses quatre pattes et grogne. Petit homme, j'ai fort faim. Il ne sera pas dit que je me coucherai le ventre vide ce soir. En la désignant, je tire une flèche devant elle. Je cible bien la zone devant elle. Enfin, une flèche. Peu importe, en vrai, je m'en fiche de ce qu'elle fait, la flèche. Le but, c'est juste de la menacer. J'ai une proposition. Est-ce que je peux te la faire? J'ai reposé le dé, donc vas-y. Dépêche-toi. C'est que en fait, tu utilises un mot de pouvoir, comme tout à l'heure, et que son mot de pouvoir, c'est fumer. Comme ça, elle te voit plus et t'as le temps de te carapater. Sinon, j'ai un autre mot de pouvoir, la limite. Je la cible cette fois-ci. Mais. C'est celui de. Mais j'utilise un autre mot de pouvoir. Dormir. C'est plus efficace. 3, ça réussit. Enfin, ça réussit. La flèche fait normalement ce que je veux. Après, dans les limites que tu lui imposes. La flèche se fiche dans son échine. La créature s'élance à bons pas, te contourne et vient glisser dans la boue et se lever juste à tes pieds. Tu choies sur elle, tu sens son odeur rance, l'odeur de lait caillé comme on en trouve dans l'étable ou dans une fromagerie. Une odeur forte de fromage, de lait. Et tu la sens tout près de toi qui ronfle, sonore. Dors, petit homme, dors. Écoutes-tu sa voix ? Oscar, écoutes-tu sa voix ? La voix du sommeil ? Qu'est-ce qui te permet d'écarter la voix du sommeil ? As-tu quelque chose dans ton inventaire ou une ressource que tu as à disposition pour dissoudre le mal étrange qui semble te gagner ? Tu sens tes paupières qui deviennent lourdes, tes yeux qui se collent, ton nez qui est tout sec, tes lèvres desséchées qui se craquellent, ta tête est lourde, tu as comme une barre sur le front. La fièvre te monte, comme lorsque la crève frappe les corps au plus fort de pluviose. Qu'est-ce qui te permet de résister à la maladie ? Est-ce parce que tu es suffisamment costaud pour résister à la maladie ou disposes-tu d'un mot de pouvoir ou d'un objet qui te permettrait d'écarter la menace ? Parce que je suis costaud. Alors tu vas jeter un dé et tu dois obtenir un score inférieur à celui de costaud. Ah, dommage. 16 et tu as... Non, 4... non, 15 et il a 14. 15 et tu as 14 en costaud. Je peux lui passer cette inconvénience de costaud. Ah, moi je suis déjà agi, hein, je peux rien faire. Et donc, votre ami... s'effondre à côté de la créature et vous les entendez tous les deux ronfler, plonger dans un sommeil surgit des ténèbres, des tréfonds de ténébreuses. M'adressant le guignol qui s'est planqué dans les fourrés, je fais hé, ramène-toi, attends, il faut récupérer l'autre. Parle pas si fort, tu pourrais réveiller la créature. Ah oui. Certes, dans une avec un ton moins fort. Mais ramène-toi quand même. J'en conviens, j'arrive. Mais attends seulement que je me relève. Arrête de tirer sur les premiers trucs qui viennent. D'autres solutions existent. Pendant qu'ils se relèvent. Et ainsi je me relève avec peine émergeant de la forêt. La créature a l'air profondément endormie, mais votre ami l'est tout autant. L'est tout autant et il est recouvert d'un étrange duvet blanc qui couvre ses joues, ses oreilles. Ses cheveux semblent comme couverts d'une neige blanche. Ou comme les fleurs de pissenlit qu'on souffle. Vous avez l'impression qu'en soufflant sur sa tête, ses cheveux tombent. Et Anne, il m'est une idée. Est-ce que vous écoutiez, quand vous étiez plus jeune, les anciens autour du feu ? Pour sûr. Discrètement, pour... mais oui. Discrètement. Tu peux me lancer un dé sous malin. Ça va. J'ai 16. Te souviens fort bien que le plus ancien, Alceste, a dit que il y avait au cœur de Ténébreuse et que c'était peut-être la source du mal qui enténébrait la montagne et la forêt, ou la charriait les scories putrides de la rivière. Il y avait une reine du bois, une sorcière qui habitait dans une vieille tour isolée. On va peut-être aller la voir. Et que si quelqu'un avait une science des sortilèges oubliés, ce serait elle. Ce serait elle, à n'en pas douter. Il me vient entreprenez-vous le voyage ? Il me vient une idée, tout d'abord. Nous ne pouvons laisser là Oscar en les mains de cette... Tu es à n'en pas douter, assez fort pour le porter, lui et son pactage. Toutes ses affaires. Peut-être que ton ami devra porter la lance, parce que c'est bien encombrant et tu aurais fort affaire à... soulever. Je te propose la marche. Tu me couvres de ton arc le temps que je le fasse, que je le traîne hors de du champ d'action de la bête. Et après cela, tu récupères sa lance que tu remises dans ton dos pendant que je porte. Là, notre infortuné compagnon. Admettons. Juste une question, maintenant, les flèches, elles nous ont mis un point de magie chacun. Selon ce qui me semblait, j'en ai retiré au tien, mais c'était pour savoir. Donc moi, j'en perds une. Oui. Quoi ? Non, mais c'est pas une valeur. C'est la valeur maximale, hein, ou c'est la valeur actuelle ? C'est la valeur pour l'aventure. Et le point de magie, on le consomme pour l'aventure. Oui. Ah, t'as 3, ça. Ouais, non, mais... 3 seulement. Vous, Il s'approche, en avançant son museau allongé. Et tu sens cette odeur de femelle avide, cette odeur de mâle, de vieux mâle. C'est une truie, une mère truie à n'en pas douter, une mère truie et un vieux sanglier à la fois qui se tient là, endormi par le charme de ton ami Anne. Mais par la force qui est en toi... Car tu es aussi une mère, tu peux sauver ce petit renardeau. Et tu le soulèves de toutes tes forces et tu le places sur ton dos en le saisissant dans ta gueule. Le petit renardeau est dans ton giron et vous pouvez... suivre les indications du vieux Alceste pour vous rendre jusqu'à la tour de la vieille sorcière. Suite à une pause due à la fatigue de l'un d'entre nous, on va faire un micro débrief au milieu de partie, on reprendra dès que possible. Ça te va comme intro ? Parfait. Donc, on va donner nos ressentis, j'imagine. C'est ce que tu veux récupérer, non ? Oui. Donc, Xavier, t'es fatigué, je t'en prie. Alors ? Tu dis ce que t'en penses, si t'aimerais bien. C'était plutôt bien. Qu'est-ce qui t'a plu ? Le moment où j'ai... Où enfin pas le moment où j'ai fait, le moment où Gabriel a tiré. D'accord. L'histoire te plaît, l'histoire de partir à la recherche de Léon? Oui. Alors, moi, sa fiction m'a bien plu, parce que, en fait, on reste dans un cadre relativement enfantin, et c'est le propos du jeu, de l'entête qu'on a là, sur Milky Monsters, enfin, sur la couverture de Milky Monsters que t'as mis sur l'écran du jeu. Moi, je trouve qu'il y a cet esprit enfantin, mais lors de la création du personnage, on était en train un peu tous de faire les fous. On a quitté cet état, et puis moi je trouve que c'est bien mieux comme ça. Il y a quelques fois on se faisait des remarques en méta, mais elles restaient relativement sobres, et la plupart du temps c'était moi ou Gabriel qui posions des questions plus techniques. Mm-hmm. Genre, est-ce que j'ai le droit de imposer ma volonté à la flèche? Oui. Ou est-ce que ça me coûte des points de magie? Mm-hmm. Je te laisse continuer, ouais. Pas de soucis. Il y a un point moi qui m'a personnellement plu, c'est le fait qu'on reste dans du médiéval fantastique sans forcément être dans du médiéval fantastique trop pour enfants. J'ai un peu de mal à jouer de manière, enfin jouer dans des univers trop enfantins moi à titre personnel, ou trop manichéen. Cet aspect non manichéen, moi personnellement, me plaît. Les fiches sont simplistes mais efficaces, surtout pour un jeu de rôle qui se destine aux enfants. Mais bon, ça change aussi. Je parlais fort pour compenser. Moi, je pense que non, parce qu'on entend l'effet de ça. C'est pour ça que je te dis ça. Excuse-moi. Bon, donc je disais, le système est simpliste et ça change des systèmes où il faut 3 milliards de stats. Star Wars aux confins de l'Empire, pour citer que c'est celui-là. D'accord. Le fait de dessiner son personnage. Même un croquis, qu'on sache dessiner ou non, je trouve que c'est un bon concept, parce que ça force tout le monde à visualiser le personnage et tout le monde le voit de la même manière. Enfin, de la même manière. Il met, entre guillemets, la couche colorée, par exemple, comme il le souhaite, et les surcouches comme il le souhaite, mais il y a toujours la couche de base qui est commune. Donc il n'y a pas de gros quiproquos, comme ça a pu arriver. Dans des parties du drôle, j'imagine, à tous les rôlistes qui pourront entendre ça. Ensuite, le scénario est simple, mais accrocheur. En soi, on demande pas... Enfin... Surtout pour destiné aux enfants, encore une fois, c'est bien, mais c'est bien aussi pour les adultes. Hein, quand je dis que c'est destiné aux enfants, c'est juste... Ça sous-entend surtout que n'importe qui peut s'y plaire. Ça sous-entend pas qu'un adulte ne ça lui plairait pas. Ouais. C'est ça, ça convient à tout le monde. D'accord. C'est ça que j'entends par... ça convient même tout aux public. Enfants. Hein? Tout public. Tout public. Ouais. Ouais, c'est exactement l'idée, mais ouais. Justement, on dit souvent tout public quand on considère que c'est adapté aux enfants, par exemple sur les jeux de société. Ouais. Donc, ouais, là, je vous mettrais tout public, mais ça me plaît quand même, hein. Bon, après, moi, je suis public bisounours, comme on l'a dit dans d'autres enregistrements. L'instant qui m'a plus plu, personnellement, le retournement de situation, quand tu nous as dit que les points de magie étaient pour pas d'aventure uniquement. Donc, le fait qu'on en ait cramé autant, enfin, j'ai bien lu que j'étais pas tout seul, sur le visage de Garrod, que j'étais pas tout seul à me sentir très maître d'en avoir claqué deux. Alors, moi, j'en ai claqué un. Préciser, ça pourrait être, m'être imputable, etc. Mais je trouve que ça apporte quelque chose. Ça crée un effet déclencheur assez rigolo, donc moi je vais pas me plaindre, je sens que je l'utilise un peu moins souvent. Mais c'est aussi, ça donnait de la spontanéité à vos réactions. Oui, justement, j'avais une idée, mais du coup ça va être un peu consommateur en points, mais si quelqu'un, par exemple, était mal en points, et que je peux, on soit modeler mes flèches mentalement comme j'imagine, c'est cumuler le sort de soin et la flèche pour lancer une flèche qui soignera. Mais j'imagine que ça me consommerait 2 points de magie, du coup. Bah voilà. Du coup, comme tu me dis que c'est on les perd permanent, du coup, j'hésite à le faire. C'est dommage. Je repasserai que ça la prochaine. Bon, je le ferai aussi en partie, parce que il y a aussi un truc, c'est que moi, d'habitude, je le fais pas, parce que j'ai pas. Enfin, le récit est un petit peu moins prenant que dans 2000 vaux. C'est pas une critique du tout. C'est pas négatif, mais ça veut dire que je peux faire un petit peu autre chose en même temps. Je dis pas que je fais totalement autre chose, c'est dans le contexte, comme Mathieu qui dessinait un peu sur sa fiche, c'est pas imputable à la fiction, ça veut juste dire qu'on doit quand même se concentrer un max, même en faisant ce qu'on fait, et là, dans le cas dont on l'a fait, le dessin de la carte, qui est relativement simpliste, j'ai voulu le laisser simpliste. Et le dessin du personnage, je trouve qu'au contraire, ça rajoute l'ambiance. Enfin, t'es à fond dedans, parce que à la fois tu crées, t'imagines dedans, et il y a les autres qui créent en même temps. Du coup, ça fait trop de créations en même temps pour moi. Ça fait des créations différentes qui se superposent et qui s'intègrent de manière cohérente. Et ça reste tout fêlé, parce que imaginons quelqu'un a du mal à se concentrer. Adulte, papy ou enfant, on s'en fiche, hein, quelqu'un qui a du mal à se concentrer. Il fait par exemple, lors de la création de personnage, son petit croquis. Insultant, il peut rester pleinement concentré, c'est abordable même pour lui. Et quelqu'un qui d'habitude est ultra concentré, mais là a besoin seulement d'un peu de concentration, peut par exemple peaufiner sa fiche de personnage en attendant, tout en restant dans l'ambiance sans s'endormir ou aller faire autre chose. D'accord. Donc, c'est mon avis. Globalement, vous avez adhéré à Mickey Monster. Je pense qu'on est unanimement d'accord pour dire que ça nous plaît. Après, le ça ton. Ça va ? Vous aviez ? Le ton, on a quand même une ressemblance avec Milvo. C'est du Milvo très soft, hein. Oui, c'est du Milvo très soft, mais on le sent quand même. Ouais, c'est plus l'intrigue un peu dark d'un Metfan classique, hein, si tu veux mon avis. Oui, c'est pas une critique, c'est accrocheur, mais... De toute façon, en soi, un scénario aussi bien ficelé soit-il, si le MJ à côté, il est complètement pas dans l'histoire, ça marche pas, quoi qu'il arrive. Donc, Alors, à chaque fois, on juge le scénario par rapport à la personne qui nous l'a fait jouer. Par exemple, ce scénario, il peut être pertinent que même certains potes qui voudraient faire MJ, ils me le feraient, je me ferais chier comme pas permis. Il y a un pote, honnêtement, je joue jamais au jeu de rôle avec lui, parce que quand c'est lui qui raconte l'histoire, je me fais chier. Quoi ? Non. Lui, il est trop sur les stats. C'est Romain. Je suis désolé, mais ça me fait pioter, ces histoires. Il arrive pas à te mettre dans l'ambiance, il y en a d'autres, ça marche, moi non, voilà. Bon, bref, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Mais bon, là, je trouve le scénario intéressant et accrocheur. D'accord. Alors, je précise pour vous, j'ai choisi d'utiliser ce que m'a donné, ce que nous a offert Valentin. Il a dessiné un scénario. Par rapport à son scénario, j'ai joué un quart du scénario. Non, c'est des histoires relativement. Donc on a encore une heure et demie environ à jouer. Grosso modo, ouais. Enfin, je dis ça surtout par rapport voilà. Monsieur Xavier qui s'endort. Là, c'est juste... C'est pas... Bah, c'est un scénario court, mais bon, s'il est prenant, et puis j'imagine qu'on peut le poursuivre. C'est une aventure. Oui, voilà, aventure, et après, Valentin a dessiné d'autres aventures qui ont été publiées sur les réseaux sociaux. Donc, on peut utiliser une autre aventure de Valentin pour faire la suite. Et cette fois-ci, on sera pas couillonné avec les points de magie. Exactement. Alors, il y a un point fort aussi que j'ai trouvé, c'est le... Alors déjà, ça nous pousse à pas utiliser la magie tant que ça. C'est très... Ça nous demande de modération et ça fait que la magie, elle apparaît pas toutes les 2 secondes. Et qu'on n'est donc pas dans la caricature du mad fan où... toutes les deux... Ah, attends, je lance ma boule de feu. 2 minutes plus tard, je lance une deuxième boule de feu. C'est pas... Attendez, je casse mon soin, je vais vous le lancer tous les 5 tours. Hein, quoi, pardon. C'est juste pas possible, et du coup, ça fait une magie pas permanente, raisonnée, et qui apparaît comme... C'est pour ça que j'étais surpris, en fait, de ta réaction, de me laisser faire ce que je voulais, concrètement, avec mes flèches. Mais bon, vu que c'est à usage unique en aventure, je comprends maintenant, parce que je pensais qu'il y aurait une restriction. Vu que pour moi, en fait, ça pouvait être rechargé d'une manière ou d'une autre. Après, ça peut peut-être être rechargé et les conditions sont très obscures, mais... Ça pourra peut-être que dans la fiction, justement, enfin dans la suite de la proposition de Valentin, vous aurez l'opportunité de le faire. Et là, on passait par une ellipse pour arriver à la deuxième scène. Grosso modo, il y a 4 scènes, vous avez joué la première. Oui, 4 parties, c'est une planche de BD, quoi. Exactement. Et donc, coup, c'est sympa comme concept de présentation de scénario. Moi je trouve ça parfait, simple à mettre en œuvre. Je sais, bravo Valentin. Mathieu va devenir MJ de Mickey Monsters. Ben il peut. Voilà. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là sur le bilan. Désolé pour l'anecdote personnelle du coup.